Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous musique bruyante, généralement rock, voire punk, voire plein de choses, attaque aujourd'hui à 21h tapante comme d'habitude, avec notre thématique du jour, le retour sur un groupe que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle False Prophets, que j'ai eu la chance de voir dans la fin des années 80, début 90, dans une magnifique salle à Paris qui s'appelait l'Espace Ornano. False Prophets, pour ceux qui ne connaissent pas, est un groupe qu'on peut qualifier de punk rock américain, mais avec des particularités un peu spéciales, c'est-à-dire qu'ils vont piocher aussi bien dans le punk rock traditionnel que dans un peu de la musique expérimentale ou du reggae. Et surtout, sur scène, ils ont un chanteur avec une présence qui est impressionnante. On dirait Uncle Sam, vous savez, sur les affiches, c'est celui qui vous pointe du doigt et qui vous dit que l'Amérique a besoin de vous. Concert donc fabuleux, même presque flippant à certains côtés, surtout quand le Uncle Sam en question descend dans la fosse et se mélange au public enfin, il donne pas l'impression d'être très sympa en fait, en vrai, comme bonhomme. Mais bon, je pense que ça fait partie du show. False Prophets, en tout cas, super groupe qui va nous servir de fil rouge ce soir, et avec donc d'autres trucs du même genre. Et c'est parti, go! Also. Winona, ma femme, était une indienne algonquine. J'avais beaucoup du Bouchard pour apprendre d'elle. Je n'étais encore qu'un Français au pied lourd, ignorant à peu près tout des astuces de la tente tremblante, des règles mystiques de la souris, de la légende fondatrice du raton laveur, de la raison pré-darwinienne selon laquelle l'homme descend de l'ours et de l'histoire qui raconte pourquoi le caribou est taché de blanc seulement sous la bouche. Don't make any sense. At least I know what blind obedience. You're nice. You can all come home with me. Unless you're a girl and you gotta fake it. Okay, girls too. Got your strap-ons. Now the girls gotta go home with Jack. I don't mean to be tacky. It's Jack's 20,000 mile checkup. De la sécurité sociale est beaucoup plus important qu'on ne le croyait. Impossible d'échapper à cette nouvelle qui plombe nos rentrées. Et cela fait 20 ans que ça dure. Sur un trou de 8 milliards, l'année dernière n'a pas échappé à la règle. En 2014, le déficit de la Sécu a même atteint plus de 9 milliards d'euros. Waiting for the moment of the mission of the mass. I can hear you shouting the bar. Remettre en question le grand postulat interprétatif selon lequel le règne du discours n'aurait pas de frontières assignables. Les choses muettes et le silence lui-même seraient peuplés de paroles. Et là où aucun mot ne se fait plus entendre, on pourrait encore écouter le murmure profondément enfoui d'une signification. Dans ce que les hommes ne disent pas, ils continueraient à parler. Un monde de textes endormis nous attendrait dans les pages blanches de notre histoire. À ce thème, je voudrais opposer que les discours sont des domaines pratiques, limités, qui ont leurs frontières, leurs règles de formation, leurs conditions d'existence. Le socle historique du discours n'est pas un discours plus profond, à la fois identique et différent. Dear Mom, I'm dead. Office box. opportunity. And I'll trade a cup of coffee and a dime, looking for a handout on behalf of those who have so little time. But to want to live on just 70 cents a day, that in your pocket doesn't make this a better place. Cereal and water is a feast for some, you say. Your price tag on existence can't cover your double face. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, a choice you have to make. Dipping in the icing, bringing home the largest turkey from the field. Playing on the piggy bank, scooping up the booty, licking all the right holes, bolstering the payroll. Why reduce life to a dollar amount per day? Why let the world think this is the American way? Your uneaten greens are a feast for some, you say. Survival and living are concepts you can't equate. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, don't tell me they're the same. Quality or quantity, quality or quantity, quality or quantity, a choice you have to make. Est-ce que les patients sont satisfaits de venir à l'hôpital? Oui ou non? S'ils ne sont pas satisfaits, ils prennent leurs jambes et ils vont se faire soigner ailleurs. Yeah. California, over Alice, California. Établissements, on opérait des patients pour des raisons financières. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Quelle est votre position par rapport à ça? Si cette situation existe, elle n'est pas acceptable. Madame la ministre, on a beaucoup d'éléments. Est-ce que vous nous promettez une interview au ministère?

There's an intensity to it, whether you like it or not, it's going to affect you in some way or not. That usually is manifest by people just kind of standing, you know, wide-eyed and drop-jawed. We're not a band that you would have play at a party. Church music is another heavy influence on me personally because, you know, I've been involved with it since I was a baby. Live where others perish. Vultures feast on fallen souls. You see, even in death we still may nourish. Decade of decay, much to my mind's dismay. This is my decade of decay, much to my mind's dismay. Reconstruction, not destruction, will be now our instruction. Destruction, not destruction, will be now our instruction. Reconstruction, not destruction, will be now our instruction. Reconstruction, not destruction, must be now our instruction. Every cunt trying to see punks dying. Right? Read it in the papers, like all the stupid cunts. This one's called Punks Not Dead. Punks are dead! Such a man, I'm fucking stunned. I wish you a mug of death. Don't like the music, don't like the words. You can all crush up in the buzz of towns. Punks are dead now! Punks are dead now! Punks are dead now! Punks are dead, I'm gonna stop. The bus rides a door out here. Let the truck just get it first. To the bounce and the nines. Bucks are dead, I know. Bucks are dead, I know. Bucks are dead, I know. Bucks are dead, I'm dying. Confié à Lorca un bonnet d'écoute plus rudimentaire que le mien, évidemment, quoique assez efficace. La salle est à nouveau plongée dans la pénombre. Il comprend mal ce qu'il perçoit comme un temps mort. Le temps mort est pourtant une durée qui vit. D'un mouvement de tête, je lui montre qu'il peut venir discuter. Il s'assoit par terre à côté de moi, il a encore une patte de furtif dans la main. Un membre lâché lors de l'attaque pour s'alléger, terre cuite. We'll be right back. the East Coast to the West Coast. Gotta go. True sounds of a revolution. Gotta go. In our hearts and in our souls. Gotta Sandal Weisberger, bringing you a chilling expose on a violent new art form threatening the very fiber of our nation's youth, hardcore punk. Join me as my investigation brings us to this dilapidated rehearsal room of Sick of It All. Right. Bouger ou parler, c'est l'un ou l'autre. Dans les deux cas, ce qui permet la chasse, c'est que le furtif est toujours actif. Tu te souviens de la marotte d'Arshavin ? Il fluit, si bien qu'il impacte sans cesse le site où il évolue. Il crée des événements qu'on peut repérer. De la casse, du bruit, les bulles qui deviennent opaques, des objets qui se déplacent. Puisqu'il n'est jamais fixe, tout ce qui change est potentiellement lui. Ner se nourrit de ça, du mouvement. Il ne voit vraiment bien que ce qui bouge. Like to go out dancing and knock ourselves devoid of sense. Every kill, kill, kill. Every ming, ming, ming. Every slash, slash, snap. Little brain, brain, brain. Every kill, kill, kill. Every ming, ming, ming. Every slash, slash, snap. Little brain, brain, brain. Who wows up that kill, kill? We don't ask who goes there. We're afraid of independence, so we kick them in the bed. Who wows up the pattern bubbles? Who the fuck wants boring music? This is not where we originally met. All we do now is abuse it. We're too small to watch a TV because it's filled with violence. So we like to go out dancing and knock ourselves devoid of sense. Every kill, kill, kill. Every ming, ming, ming. Every slash, slash, snap. You know, brain, brain, brain. Every kill, kill, kill. Every ming, ming, ming. Every slash, slash, snap. You know, brain, brain, brain. Come home. the unbeatable high. Adrenaline shoots your nerves to the sky. Everyone knows this town is gonna blow, and it's all Jean-Marc Manac s'interroge sur des similitudes possibles entre la libération de l'information telle que nous la vivons aujourd'hui et la révolution sexuelle des années 70. Ce lien existe et il peut être argumenté autant théoriquement, notamment avec les travaux de Michel Foucault sur la sexualité, que dans les faits. Yeah. C'est l'un des principes émis par Jordan Weissman sur la création des Augmented Reality Games, ARG. Le jeu doit être coopératif et collectif. Les énigmes proposées par les jeux à réalité alternée sont si nombreuses et si complexes qu'un individu seul ne peut espérer les résoudre. C'est un groupe qui doit trouver la solution et pas un petit. Plus on est de fous, plus on rit et plusieurs milliers de participants ne sont pas de trop. We'll be right back. J'ai quitté Paris et même la France parce que la Tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. We'll be right back. Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout, faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar, inévitable et torturant. Ah ! Father ! Who art in heaven ? Hallowed be thy, hallowed be thy, hallowed be thy. Hallowed be thy. Stand up! Sit down! Kneel down! Genuflect! Stand up! Sit down! Kneel down! Genuflect! Let us pray! Let us pray! Let us pray! We'll be right back. on my brain, on my ass. Oh my, thing got real pain. Sick, sick, sick, sick, sick. I got a gonorrhea, I got a syphilis. I want her in back, yeah. Sick, sick, sick, sick, sick. I got a crab, my god, Lord, la, la, la, la, lice. They gonna crawl over you. Sick, sick, sick, sick, sick. Ce n'est pas elle uniquement d'ailleurs qui m'a donné une irrésistible envie de vivre seule pendant quelque temps, mais tout ce qu'on a fait autour d'elle, dedans, dessus, aux environs. Green. myself. If I don't know where I am, I could still call it home. I am never lost if I direct myself. It could be my asylum, my pleasure dome. I don't